baisse donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de Johnny de AZ sur Radio Pirate, on va dire. Comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes toujours bien confinés, que vous ne commettez pas de prudence, que vous restez à la maison comme il faut. Et nous revoilà à nouveau pour une nouvelle émission de Johnny de AZ, la hors-série numéro 8, mode confiné. Aujourd'hui, je vous propose toujours des... Il y aura des duos, oui. Et il y aura aussi des versions, des reprises de la part de Johnny Hallyday de versions de version origine française. Ouais. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore? Mais on va retrouver, on avait commencé la mercredi dernier avec des duos avec de Johnny et de Sacha Distel. Je vous propose de continuer encore ces fameux duos. On va les terminer. Ouais. On va avoir du genre Si j'étais un charpentier, Gabriel, La Belle Vie. Hein. Et on aura après Johnny qui reprend les grands chanteurs de la variété française. Autrement dit, Jacques Brel, nous avions Edith Piaf, nous avions également Gilbert Bécaud et ainsi que Charles Aznavour. On aura des versions non directes, on va dire des versions télévisées, aussi des versions également Tipiak, pour ne pas être, on va dire, brimé par Facebook ou quoi que ce soit. Voilà. On va commencer tout de suite par une émission qui datait de 1977, c'était le numéro 1, Johnny Hallyday, qui date du 11 juin 1977, donc, et Johnny et Sacha Distel interprétaient le titre « Tous les mêmes ». Est-ce que vous êtes prêts pour deux... Non, c'est pas le bon gizmo que je touche, c'est pas le bon gizmo. Êtes-vous prêts pour une heure d'émission? Oui, ça va durer une heure, cette émission. Une heure d'émission en compagnie de Johnny Hallyday, hein, et des autres, bien entendu. Bonne émission à toutes et à tous, c'est parti, Johnny, et pour l'instant, pour commencer, Sacha Distel, bonne émission. Alors Sacha, comment s'est passé ton séjour à Londres? À Londres? Oh, j'étais pas seulement à Londres, cette année je suis allé faire un tour dans toute l'Angleterre, en Écosse, en Irlande même. Non, c'est pas ça que je veux dire, avec les petites Anglaises, bien. Oh, écoute, pas devant tout le monde, c'est gênant. Non, ouais, en fait j'étais venu, je suis très content d'être dans cette émission, parce que je voulais te demander comment t'as tourné à toi en France. C'était passé. Fantastique. Alors, nous, en avant, tu sais qu'on a fait une ville différente par jour, on a fait plein de monde partout. Tu sais que j'ai 20. C'est pas ça que je. Oui, tu as 20 musiciens, je sais, mais c'est pas ça que je voulais te demander. Avec les petites françaises, comment ça s'est passé? Tu veux que je te dise? Non. On ne changera jamais, on sera toujours les mêmes. On est tous les mêmes. On a tous un truc pour plaire aux filles. J'ai ma panoplie de grands rockers. Et moi pour mettre toujours dans le mille, je joue les playboys crooners. Tout est permis et rien ne me démonte pour les faire tomber à mes pieds. Il y a que le résultat qui compte, l'essentiel c'est d'y arriver. Ouais, ça c'est bien vrai alors. Tous les mêmes, tous les mêmes. On ferait n'importe quoi, j'en suis sûr. Pour qu'elle dise qu'elle nous aime, on irait même faire les pieds au mur. De toute façon, elles sont toutes belles. Toutes, les aime toutes. Quand parfois avec une fille je danse, il m'arrive de faire des plans à toi. Et moi confidence pour confidence, ouais, dis-moi, ouais. Je t'imite aussi quelquefois. Tous les mêmes, tous les mêmes. On peut tout leur faire, mais à condition. Ça c'est bien vrai. Qu'elles nous aiment, qu'elles nous aiment. On apprendrait même à jouer du violon. Soit rocker, crooner ou ministre, tous les hommes apprennent à faire le beau. Et pour les filles, ils sont un peu artistes, chacun doit faire son numéro. Tous les mêmes, oui, tous les mêmes. On ferait n'importe quoi, j'en suis sûr. Qu'on me dise, oui, qu'elle nous aime. On irait même faire les pieds au mur. Ouais, tous les mêmes, ouais, tous les mêmes. On ferait n'importe quoi, j'en suis sûr. Pour qu'elle dise. Nous sommes à présent aux Formule 1 plus 1 de Junaïdé. Le 14 mai 1982, Johnny interprétait un duo avec Sacha Distel, Si j'étais un charpentier. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, pourrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. En l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches et dures, les tiennes si fragiles. Les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Oh, nous fuirions dans le désert, lâcher le nouveau-né. Allez, vas-y, Sacha. T'appeler Marie, pourrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Pourrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Encore un duo avec Sacha Distel. Nous sommes à présent le le 21 octobre 1984. Johnny Hallyday interprète avec Sacha Distel Gabriel. C'était dans le show La Belle Vie. Oui, Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour et tremble ma vie. Et l'enfer devient comme

sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis et sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense, Sacha, oui que je t'aime, chance. Et quand tu auras compris, réveille-toi. Réveille-toi, je serai là. Oui, tu seras là. Pour toi, pour moi. Réveille-toi, je serai là. Pour toi, pour la belle vie. Merci, Sacha. Ainsi s'achève ce duo avec Sacha Distel. Sacha Distel qui disparaissait en juillet 2004, soit un an après cette émission. Je vais baisser le son du téléphone car en même temps j'ai le retour. oui, donc c'était la belle vie, c'était dans l'émission Vivement Dimanche. Vous aurez rectifié de vous-même, bien entendu. Et donc je disais, Sacha Distel disparaissait un an après cette émission, ce duo avec Johnny Hallyday. Maintenant, on va revenir au grand chanteur de la chanson française, hein, évidemment. Hein. On va parler de Jacques Brel, on va parler de, d'Edith Piaf, de Georges Brassens, de Gilbert Bécaud et aussi donc de Charles Aznavour. Johnny a repris trois chansons donc de Jacques Brel, Ne me quitte pas, Quand on n'a que l'amour et la quête. On va écouter des extraits hein, du genre Ne me quitte pas, version la dernière du 2 février 65 au Zénith. 85, pardon, au Zénith. On écoutera Quand on n'a que l'amour en direct du stade Vélodrome en 2016 à Arcachon. Et puis aussi La Quête qui était diffusée à Bercy, c'était en 2006 également. On écoute tout de suite, on part sur on part rejoindre Johnny au Zénith avec Ne me quitte pas. Et vous écoutez bien sûr l'émission Johnny de A à Z. Rappelons que cette émission est tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 17h. Cette chanson ce soir, j'aimerais la dédier à la femme que j'aime. Nathalie. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur et ne me quitte pas, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi,

soir en voyant pencher sur l'onde. Il se plongeait dans des méditations profondes sur la spécificité des choses de ce monde. Car le dos était là pour s'assurer. Ok, ok, que le vent ne l'avait pas décoiffé. Ok, ok, c'était là pour s'assurer. Ok, ok, que le vent ne l'avait pas décoiffé. Ok, ok. Il proclamait à son de compagnon tous les carrefours. Il y a des imbéciles qui savent bien faire l'amour. La culture du sexe est une affaire de balourd. Corne d'oron, il potassait à la chandelle. Ok, ok, c'est un dommage sexuel. Ok, ok, et sur les femmes des musées. Ok, ok, que c'est le brouillon de ce bébé. Ok, ok, et bientôt petit à petit. Ok, ok, on a tout ce qu'il s'est de lui. Ok, ok, on a vu qu'il était en train de la matrice. Il était incapable de quitter sa ville pour cueillir un million de fils à une fille. Bordeaux, il avait un petit cousin. Ok, ok, on place chez les cousins. Ok, ok, et que les jours de pénurie. Ok, ok, il prenait ses repas chéris. Ok, ok, et même en revenant de chez cet antipathique, ils sont pas victimes d'une indigestion critique. Ils refusent à les souris de Carne d'orange, parce que c'était un allemand. Ok, ok, j'ai jeté le médicament. Ok, ok, parce que c'était un allemand. Ok, ok, j'ai jeté le médicament. Ok, ok, il rendit comme moi. Et ça, je n'ayant pas été original, c'est à lui qui est général national. Carne d'orange, alors ça peut manger du sang. Ok, ok, couche-la avec ton enfant. Ok, ok, ouais. Bien sûr, ce sont des documents amateurs, donc de qualité moyenne, voire médiocre. Voici le petit schéma blanc de 1966. Noir des champs, tout derrière et lui, devant.

c'est blond. Si tu me le demandais, j'irai décrocher la lune, moi j'irai voler la fortune. Si tu me le demandais, j'irai loin de ta patrie, je veux vivre en Birmanie. Si tu me le demandais, oui, on peut bien vivre de moi, moi je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandais, si un jour la vie s'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe. Si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Et nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problème, mon amour, toi tu en À présent, on va passer à Charles Aznavour. Je l'ai bien interprété avec Charles Aznavour, entre autres. Il y en a eu tellement de reprises de chansons sur ma vie. On va le retrouver dans la fête de la chanson française. C'était le 21 novembre 2014. Non, pardon, excusez-moi. Le 11 janvier 2013. Une erreur, là, une erreur de frappe. Sur ma vie, j'avais juré un jour de l'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, j'avais fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait offrir son nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux je l'attendais. Disparu car elle n'est pas venue. Oui, sur ma vie,

SSHF, cette émission Johnny de A à Z avec aujourd'hui des duos et puis aussi en même temps des reprises des grands noms de la chanson française. Je vous retrouve la semaine prochaine à partir de lundi à partir de 17h, mercredi et vendredi aussi à 17h, hein, tant qu'on y est, pour une nouvelle émission. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir, je ne sais pas. Ah, ça va venir, ça viendra comme ça. Merci encore à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission, d'y avoir participé également. Et on se donne un rendez-vous lundi. Et puis, soyez au rendez-vous également, parlez-en autour de vous. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt à toutes et à tous. Ciao.